Audiomatic. La transmission 412 d'Audiomatic était lancée grâce à l'artiste Brian Eno et sa pièce Fractal Zoom apparaissant sur l'album Nerve Net sorti en 1992. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste zambienne Sampa the Great d'assurer la continuité à Audiomatic. Imposter is syndrome. Fight for my freedom. Motivo yo le sono shaka ele Tondolo limota pela uchi awe Mukante mweko Nemu salu ali pesa mayeye Isigwishi jamfisha pati ambaso Amalanda kano ya mbifi ambwesha panshinevo Kindeni nevo tweke Don't say ni nebo tete. Run the background. Carry your own, put your back out. Look at the scenes, what the day scene. Spinning love in the air hug. I've been small, but a big smile has a big flaw. I ain't walking no wounds if y'all predetermine who Sammy is in that song. What did they say? They name don't fall. But you been here and I got here and you still shook in that shawl. It's cause you big rise and they fall. What you fooling is you stupid, it's you clueless how you moving, I die. Call it out when I shy. Cause I've been here and I've been great and I've been roaring these more. Speak on it, I'm still standing and now all I really wanna be is gracias. Still remember the fact is no amount of intimidation will be negated with this class is. Me teaching all these masses. Cause all we ever wanna feel is we twist your kind Motivo yo le sono shaka ele Tondolo limota pela uchi awe Mukante mweko Nemu salu wali pesa mayeye Isigwishi shafisha pacha mbaso Namalanda kano ya mbifi ya mwesha pachine Kiteni nebo tweke Feeling that hurt, feeling that seen, feeling observed. Not feeling like me, but feeling the odds, feeling seen. I walked in the rooms, and I ain't been shunned, and I ain't been viewed. Burned all my mood, all that talk, all your room, nigga, all gone. Unseen, one vision you ain't got sight. How things supposed to change, we ain't see change, all steady trying to fight. Talking about what you did, still standing on our backside. Looking down when we looking up, let the future fall for your ego call, it ain't right. I brave the storm. I'm standing strong, that's right. I build a throne and I build a home for all the work of my strides. I see myself, I didn't know what that's like. When all I ever try to build is love. Not today, fear ruins us all. I break the storm, I made my own. I'm looking on my walls. Heroes, they just like us and all we ever wanna build is love. Quit with Chicago. Motivo yo del sono shaka ele Tondolo limota pela uchi awe Mukante mweko Nemu salu wali pesa mayeye Isigwishi shafisha pacha maso Namalanda kano ya mbifi ya mwesha pachi nebo Kiteni nebo tweke Jam to throw it away, throw it away, throw it away. We'll be right back. Audiomatic, c'était la formation texane de Black Angels et la chanson The River qui se retrouve sur son sixième album Wilderness of Mirrors, sorti le 16 septembre 2022. Précédemment à The Black Angels, il s'agissait du bassiste et chanteur du groupe The XX, Oliver Sim, de son premier album solo intitulé Hideous Bastard. Lancé le 9 septembre 2022, il nous interprétait la chanson Never Here. Et la rappeuse originaire de la République de Zambie, Sampa Tembo, mieux connue en tant que Sampa the Great, débutait cette séquence musicale avec sa composition Imposter Syndrome, à laquelle participe James Sakala. Cette pièce est parue sur le deuxième album de Sampa the Great, As Above, So Below, qui est paru le 9 septembre 2022. À Audiomatic, écoutons maintenant le projet Meliana. Thank you. Thank you. Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter l'artiste américain d'origine panaméenne Daniel Villarreal et sa pièce Ophelia qui apparaît sur son album solo lancé un peu plus tôt cette année, soit en mai 2022, et dont le titre est Panama 77. Notons que Daniel Villarreal est également le batteur de la formation Dos Santos. Avant cela, c'était la formation chilienne Fulano et sa pièce Cricalev qui se trouve sur l'album Trabajos Inutiles, sorti en 1997. Et on amorçait la séquence sur la musique du projet Meliana, regroupant le pianiste Brad Meldo et le percussionniste Marc Gugliana. De l'unique album issu de cette collaboration et album intitulé Taming the Dragon, nous avons écouté la pièce You Can't Go Back. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste américaine Santi Gold. Let me fall first, give me your Nous avions droit à Audiomatic au trio danois Shiny Darkly qui nous offrait la chanson Dead Stars qui est tirée de son premier album Little Earth paru en 2014. Tout juste avant, nous écoutions l'artiste américaine Santi White, mieux connue en tant que Santi Gold, de son quatrième album Spirituals qui a été mis sur le marché le 9 septembre 2022. Nous vous avons présenté la pièce Fall First. Cette transmission d'Audiomatic se terminera sur la musique du groupe allemand Kalte Farben et sa pièce Retrospective, exclusive à la compilation Old School Electrology Volume 1, publiée en 2011 par l'étiquette de disque Electroaggression Records. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Kalte Farben et la pièce Retrospective. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Thank you.